3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 3 et 2 font 5. Plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémoliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur, 30 sols? Oh, oui, mais monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil. Il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lavement, je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Et voilà. 10 sols. Plus du 10 jours, un bon clistère détersif composé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosa et autres, suivant l'ordonnance, pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur 30 sols. Avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours le soir, un julep hépatique, soporatif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. 10, 15, 16 et 17 sols, 6 deniers. Plus du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative, composée de casses récentes avec séné, levantin et autres, suivant l'ordonnance de M. Purgon pour expulser et évacuer la bile de M. 4 livres. Ah, M. Florent sait se moquer. Il faut vivre avec les malades. M. Purgon ne vous a pas ordonné de mettre 4 fins. Mettez 3 livres, s'il vous plaît. 20 et 30 sols. Plus du 10 jours, une potion anodine et astringente pour faire reposer monsieur 30 sols. Bon, 10 et 15 sols. Plus du 26e, un clistère carminatif pour chasser les vents de monsieur 30 sols. 10 sols, monsieur Florent. Plus le clistère de monsieur réitéré le soir comme dessus 30 sols. Monsieur Florent, 10 sols. Plus du 27e, une bonne médecine composée pour hâter d'aller et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur, 3 livres. Bon, 20 et 30 sols. Je suis bien aise que vous soyez raisonnable. Plus du 28e, une prise de petit lait clarifié, édulcoré pour adoucir, lénifier, tempérer et rafraîchir le sang de monsieur, 20 sols. Bon, 10 sols. Plus une potion cordiale et préservative composée avec 12 grains de bézoard, sirop de limon et grenade et autres, suivant l'ordonnance, 5 livres. Oh, monsieur Florent, tout doux, s'il vous plaît. Si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. 20 et 40 sols. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 60 et 3 livres, 4 sols, 6 deniers. Si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 médecines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à M. Purgon afin qu'il mette ordre à cela. Allons, qu'on m'ôte tout ceci. Ah, il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul et il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Il n'entend point et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drolin, drolin, drolin. Point d'affaire. Drolin, drolin, drolin. Mais ils sont sourds. Toilette. Drolin, drolin, drolin. Tout comme si je ne sonnais point. Chienne, coquine. Drolin, drolin, drolin. et tous les diables! Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Drôlin, drôlin, drôlin, voilà qui est pitoyable! Drôlin, drôlin, drôlin, mon Dieu! Ils me laisseront ici mourir!